y est, voilà le régent. Dépêchez-vous voir de vous asseoir. Là, qu'on se retrouve au complet. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, régent. Alors, vous aviez peur que je ne vienne pas, hein? Des fois que vous auriez pris des résolutions, on ne sait jamais. Le 9 janvier, il y en a quelques-unes qui tiennent encore. Et puis c'est nouvel an, c'est comme quand on était gamin, puis qu'on allait en carousel. Quand on en sort, il faut toujours un puissant moment jusqu'à ce qu'on se sente sur la terre ferme. Ça brûlante. Mais cette fois que nous, voilà les trois, ça y est. L'année a commencé, elle peut venir, on est là pour la recevoir. Santé. Conservation. À votre santé. On a passé au nouveau. Voyez-vous ça, hein? Il a juste un rectal. Que des fois, on dirait qu'il a un lit dans les nuages. Ça n'empêche pas qu'il sait redescendre au bon moment. Il va bien, hein? Il promet. Cariste, il va falloir faire bien attention que cette neige fondue de ces jours n'arrive pas jusqu'aux bases. Un vin comme ça, s'il allait s'enrhumer, ça ferait mal bien. Ah, ne t'inquiète, ils ont trop besoin d'eau pour l'électricité. On ne va pas la gaspiller pour les recapables. Alors, ces messieurs, on a bien recommencé cette année. Oh là, oui. Tranquillement. Le caviste et moi, on a pris nos mamans par les ailerons, puis on les a royaumées par Lausanne le 1er janvier tantôt, comme d'habitude. Et naturellement, vous êtes allés au théâtre. Comme il se doit. Et que ça fait rue de plaisir. Quand on passe toute l'année dans cette paroisse, ça fait du bien de voir une fois des gens bien mis. Dans la salle? Oh non, sur la scène. Ah, c'était Madame Sangène, si je ne me trompe pas. Ouais. Vous, ça connaissez ou quoi? Bon, je dois avoir vu ça dans le temps. Ça se passe autour de Napoléon ou quoi? Plutôt de sa dame. La seconde, donc. Oh, c'est une rude histoire. C'est rapport à un Autrichien. Un baron qui faisait aussi l'ambassadeur. Oui, Neuberg qui s'y disait. C'est ça, c'est ça. Ça fait que tout roule là-dessus, qu'il y en a qui se figurent que ce Neuberg traçait après la dame à Napoléon, oui. Que même on l'avait trouvé un soir derrière une porte, qu'on ne savait rien tant ce qu'il allait y faire. Tout le drame. Sardine, avec ça que Napoléon avait déjà eu des histoires avec sa première femme, ça aurait fait du joli qu'ils doivent encore se divorcer de la seconde. Enfin, quoi qu'il en soit, ils ont eu de la veine d'avoir cette fine mouche de Madame Saint-Gène pour te s'arranger. Sauf ça, à moi la peur. Mais non, voyons, puisqu'il n'y avait rien du tout entre ce Napergue et la dame à Napoléon. Rien du tout, rien du tout. Est-ce que tu y étais ou quoi? Ah ben, c'est dans la pièce. Ouais, ouais, mais ces gens qui font des pièces, ils t'arrangent ça, pauvre ami. Pour moi, il y avait du louche. À preuve que cette impératrice n'avait pas tant la conscience tranquille, sans ça, elle se serait montrée une fois dans la soirée ou quoi? Je te reconnais là. Il te faut toujours que tu vois du mal partout. L'impératrice et le Neuberg, ils se causaient parce qu'ils étaient du même endroit, voilà tout. Et puis des dames comme ça, ça sait se tenir. Grande dame, pas grande dame, c'est tout de même. Regardez les nôtres. Quand elles sont en séance du comité de la vente d'église, on jurerait qu'elles sont toutes nées avec une pince à linge à chaque coin de la bouche. C'est du fin. Mais alors, individuellement, à la cuisine, elles se seraient partagées les chutes du Niagara, que ça ne serait pas pire. Ce qui fait qu'on ne saura jamais le fin mot de l'affaire. Mais t'as vu, ouais. Oh, après tout, pour l'importance que ça a. N'empêche que cette Saint-Gène était rude sympathique. Oh, quelle belle plante c'était. Allez, vous comprenez, Régent, Saint-Gène, c'était la dame à un maréchal. Mm-hmm. Un maréchal de France, donc pas un maréchal ferrant, mais le Lefèvre, qu'on y disait. Seulement, ce gaillard, il s'était marié avant de faire son école d'aspirant. Ce qui fait qu'il n'avait pas encore tant de prétentions et puis qu'il avait choisi une lingère. Une blanchisseuse à Bonaparte, pardon. Et seulement à la cour. Cette pauvre personne était bientôt gênée aux entournures. Elle s'embrouillait dans sa robe, elle se lançait dans de ses histoires à bas canabart. Oh, ce qu'on a ri, mon pauvre ami, ce qu'on a ri. Le mieux, c'était quand elle se gorillait avec Napoléon. Oh, fichtre, à propos de quoi? Figurez-vous que le Napoléon voulait à tout prix que ce Lefèvre plaque sa Saint-Gène et en marie une qui soit plus versée dans le décorum. Une Allemande même. Seulement, elle t'a pris ça en main. T'as rampé sur Napoléon, pauvre ami de Morge. Tout empereur qu'il était, ce gaillard. Eh bien, il ne la voyait pas fixe. Ah oui, oh, c'était bien joli. Eh bien, moi, ce qui m'a fait chagrin dans ces histoires, c'est que nous autres vaudois, on n'a jamais été capable d'avoir un de ces hommes de sorte. dans le genre à Napoléon. Et le major? Et Ruchonnet. Ouais, et Pierre Viré par-dessus le marché, on s'assait. Mais je veux dire, un qui nous ait une bonne foi, traîné dehors. Mais je ne sais pas si ce sont les grands hommes qui ont manqué. Je croirais plutôt que ce sont les petits qui n'ont jamais voulu suivre. Tenez, Divico. C'était-tu un vaudois, Divico? Ça n'est pas un nom de par chez nous. Non, de nom, ça serait plutôt un Zotzer. N'empêche qu'il a entraîné même les vaudois. Seulement, ça a mal fini. Oh, mais t'en es pas allé. Ah, quand on voit cette histoire que c'est, quand on envoie un gamin pour la Suisse allemande, mentez. Mon garçon, quand on a eu passé le tunnel, il était vert comme une tomate qui a gelé avant de mûrir. Qu'à la gare de Berne, il lisait les affiches en français pour se rassurer. Et que quand on est arrivé à Wegestedt, l'endroit où il allait en place, diable me brûle si ce grand gars là, Pia, ne se met pas à me donner la main en sortant du train. Que j'ai regretté de n'avoir pas pris la main pour la lui donner à sucer un moment. Ça fait que nos élevettes de Vaudor, je savais comme si j'y étais. À peine à Genève, ils se sont rendus entre eux. Quel drôle d'accent ils ont, ces allobroses. Ouais, on se sent tout mal à sa guise. Et puis deux, trois jours après arriver à ce bibracte, il se sera pincé. Pourvu que ce César nous flanque une raclée et qu'on soit obligé de revenir en ça. Mais quand ils ont été rentrés, je vous ai garanti que le Divico, il ne s'est pas trouvé une commune pour le nommer bourgeois d'honneur. Probable que c'est cette expérience qui nous a vissé le fond de culotte à nos tabourets. Parce que depuis, mes amis, toute l'Europe a pu se mettre en cupesse. Ces vaudois, eux, n'en ont plus voulu démordre. Le major d'Avel Pardine, s'il avait seulement pu les embrayer, je vous garantis qu'il les aurait menés droit à Suberne pour mettre un peu d'ordre dans cette république. Mais ouah, mes tabornios te l'ont regardé passer sans dire un mot. Enfin, il te faut les comprendre. Dès qu'il aurait suivi, est-ce que tu t'imagines ce bouquin qu'ils auraient eu à la maison en rentrant, deux, trois mois plus tard, hein? Et que nos femmes sont gâtées. C'est comme avec les bourguignons, hein? Si nos ancêtres vaudois avaient eu un rien de remontant, ils avaient là une belle occasion de s'inscrire dans les livres. Pas plus. Mais voilà qui boude à l'ouvrage. on jurait que vous les voyez. Oh, comme si j'y étais que je les vois. Dis-moi, Alfred. Parait que les Suisses allemands et les Bourguignons sont en niaise. Ah ouais? Que même ils vont se rencontrer par là dans les alentours. Tu crois? Ça fait qu'il va falloir s'agir de se mettre d'accord pour qui on tient. Oh, il y a du pour et du contre, tu comprends. C'est Bernois, ça a des qualités, on ne dit pas non, mais ça est rien réfrigéré, un peu brusque. Et c'est Bourguignon, ma foi, c'est du vif argent, mais on aimerait se voir de plus près. Ce qui fait que de fil en aiguille. Je vous parie ce que vous voudrez qu'il s'en ait trouvé des cartes ronds pour ne pas débranler de la cave, jusqu'à ce que les résultats soient connus, vérifiés, affichés, officiels et tout. Eh bien, moi, c'est justement pour ça que je trouve notre histoire sympathique. Bien dit, là. Ben, par Dieu, bien sûr, mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'on y a perdu. Ah, quel dommage qu'on ait plus 20 ans. Ah oui? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 20 ans? Mais c'est manière de causer. Mais enfin, Roland, vous qui avez la carte du canton qui peint au mur de la classe, vous avouerez qu'il y a des endroits où c'est malheureux. Le jour où ils ont ça dessiné par Berne, les Vaudois se sont laissés tortiller. Contre en haut, par arrière. C'est pas une frontière, c'est une robe de balle avec des dentelles. Ces enclaves, ce méli-mélo de fribourgeois, de bernois, de Dieu sait quoi. Oh, on aurait dû s'en revendiquer. Oh là, oui, mais ce qui est fait, fait. Puis maintenant, ces gens, voilà plus de 100 ans qu'ils ont renoncé à autre vaudois. Ils doivent être gâtés. Dommage. Moi, l'autre soir, au lit, après le théâtre, je ruminais cette pièce et je me disais, des fois que ça serait trouvé que le syndic, le régent et moi, on se trouve à la cour d'un empereur vaudois. Hein? T'écrases si on n'aurait pas eu aussi bonne façon que ces maigrichons avec leur redingote à pain et leur bas blanc qu'ils ont oublié d'y mettre des molles. Alors, vous savez ce que c'est quand on dort à moitié. Hein? Je me suis embrouillé pour de bon et hardi petit. Il y avait là le colonel Bornand qui commandait la division. Regardez-vous, fix qui nous fait. Soldat, j'ai de moi vous dire. L'heure du canton de Vaud a sonné. La première division est la meilleure de toutes, chacun ça sait. C'est le fin moment de s'en servir. On va t'arrondir ce canton en première. Soldats, êtes-vous prêts? Vive nous, qu'on a tous crié d'un seul jet que c'en était poignant. Même que le syndic qui était à côté de moi me fait « Charrette de charrette, moi qui ai justement oublié de remplir ma gourde ce matin, me voilà mal pris pour la conquête. » Mais tant pis que tu as ajouté en te bombant le thorax. Ce qui est dit, on bravera la soif. Et puis que tu as fait au bout d'un moment, à moi la peur si je ne trouve pas de quoi me ravitailler en quest dans le canton de Fribourg. Parce que vous marchiez sur Fribourg. Sur Châtel-Saint-Denis, oui, on avait choisi ça comme début pour se faire la même. Oui, ça c'était juste. Franchement, ça vous fait deuil de voir cette ravissante petite ville à deux pas de chez nous et qui n'est pas nôtre. Surtout que dans le fond, c'est des Vaudois, des pierres à la tête. Des bevezins, pour dire. Même leur champ, hein. Le rang des vaches. Et quoi, le rang des vaches? Oui, chacun sait qu'il aurait oublié depuis longtemps qu'il ne pourrait pas venir leur apprendre tous les 25 ans à la fête des vignerons. Du reste, ils nous ont reçus en première, ça je dois le dire. Nous, on avançait, les dragons en tête, comme de juste. Pardon. Nous, on aime faire la guerre, assis. Dès que ça s'est eu su, ils ont mobilisé leur garde civile, et hardi, à volontiers. Un moment, il y en a qu'on a bien cru que ça tournerait mal. Voyez-vous que le sang se met à couler, comme fait le syndic. Ça serait bien chagrinant. Ma foi que j'y fais, faut ce qu'il faut. On ne peut pas comme ça se construire un empire, rien qu'avec des discours et des grandes manœuvres. Bref, nous, on était à l'étang. Il y en avait déjà un père d'énervants que si on ne les avait pas calmés, ils auraient bel et bien tiré à balle. Et alors, ça s'est arrangé. Oh, à la toute dernière, juste comme ça commençait à sentir joliment le sépion, j'en vois un que je connais posté derrière une haie. Il est du comité de la fédération, oui. Et la jeune que j'écris, fais pas le fou avec ce fusil, tu pourrais avoir à te repartir. Mais c'est le caviste qui me répond tout éberlué. Alors qui êtes-vous? On est les Vaudois, on vient vous libérer. Oh, fallait le dur, bande de gnagnous. Nous, on se croyait que vous étiez les inspecteurs du contrôle des prix, c'est pour ça qu'on faisait tout ce bouquin. Ça fait que la ville s'est rendue sans coup faire rire, hein? Oh, on a bien un peu parlementé, mais pour la forme, histoire d'entrer en soif. Et après? Après, ben, le lendemain, sur les 10 heures, on a conquis toute cette gruyère, histoire de digérer la fondue d'honneur, municipalité, et puis de se mettre soir. Mais c'est qu'une fois parti, à Dieu voir. Il y en avait déjà qui parlaient de travailler le lac de Morat, et tout. Heureusement qu'il s'en est trouvé pour freiner. Rien de ça qu'a fait le gros Jules du Vallon. Moi, mercredi, je fais boucherie, j'ai pas le temps de perdre à ces gamineries-là. Ça fait que vous êtes rentré chez vous. Je pense. Parce qu'en réalité, tout ce fracas, ça m'avait tout mis, hein. Puis je me suis endormi sans même savoir au juste quand. Eh, c'était bien votre chance. Et je reconnais là la manière des Vaudois quand ils sont brillent. Pour de bon. Eh bien, puisque c'est comme ça, caviste, c'est fini. On ne t'amènera plus au théâtre. C'est bon pour les gamins de se monter le bobéchat au cinéma et de se mettre un foulard pour aller garder les vaches. Rapport au film de Cockboy, comme faisait le petit Ozulet. Un empereur vaudois, voyez-moi ça. Et une cour et tout. Tu t'imagines cette mascarade que ça ferait? Oh, pas tant que ça, après tout. On aurait pas dit qu'on ne pas aller chercher nos nobles à l'étranger. On les choisirait pas chez nous. Tu te représentes nos femmes en dames d'honneur, avec des costumes serrés sur le coupion, avec l'appétit qu'elles ont. Mais mon pauvre caviste, quand elles auraient fait les 4 heures, elle serait obligée de s'enlever toutes ses mécaniques. Mais non, pas besoin qu'elle se tienne de ses barrières sur les épaules et de ses descentes de lit pendues par derrière pour s'encoubler dedans en marchant. On les mettrait en costume vaudois et qu'elle serait toute mignonne. Oui, eh bien moi je vais te dire pourquoi ça serait impossible. Tiens, on est impatient de savoir. Parce que dans le canton de Vaud, on aurait beau se tenir un empereur avec uniforme, gants blancs et tout. Ça serait quand même sa femme qui commanderait. Ce qui fait que pour finir, on se croirait d'avoir tout mis en cupesse, et ça serait blanc bonnet, bonnet blanc. Alors à mon avis, c'en a meilleur de rester comme on est. Hein? Moi, c'est pas que j'y tienne, je ne serai pas candidat. Et puis les conquêtes, on n'en a pas besoin. Voilà. Les gens viennent du dehors se faire conquérir. Tu n'as qu'à regarder les statistiques. On a bientôt plus de Bernois que de Vaudois dans ce canton. et que l'autre jour, quand on discutait à propos de Berne... Pour en dire du bien. Non, on n'avait pas le temps. Du bien, il y en aurait trop à dire, alors on avait juste 5 minutes, ça fait qu'on rouspestait. Eh bien, celui qui était le plus fort pour azorer ce de Berne, c'était Schumacher. Oui, un Bernois de Bümeplitz, que son grand-père n'aurait même pas été foutu de faire la différence entre un verre de moche de 3 décis de 16, ça. Allez prendre les contrées voisines, mais t'es fou. Crois-tu qu'ils riraient, tous ces confédérés, de se trouver un beau matin devenu vaudois sans même avoir eu la peine de se déranger et d'apprendre l'accent, hein? Non, mes amis, c'est très joli de faire du bien aux autres, je continue. Mais il ne faudrait tout de même pas exagérer, hein? Charité bien ordonnée, commence par soi-même. Bravo! Alors, syndic, on voit que vous êtes en voie aujourd'hui. Si vous nous en poussiez... Voilà, une bière enflante, qu'en fermant les yeux, on se croit devenu des héros. Ah bon, bien en ordre. En avant, fixe! En avant, hoche! Trois jeunes tambours, ça revenait de guerre. Trois jeunes tambours, ça revenait de guerre. Et rin, plin, plin. La fille du roi était à sa fenêtre. La fille du roi était à sa fenêtre. Et rin, plin, plin. Joli tambour, donnez-moi votre rose. Joli tambour, donnez-moi votre rose. Et rin, plin, plin. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Rin, tin, plein. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Rin, tin, plein. Santé. Conservation. À votre belle santé. C'est que ça fait soif, toutes ces chevauchées. Ouais, ouais. Et puis ce nouveau, il faut encore lui causer un bon moment jusqu'à ce qu'il réponde. Forcément, tu peux pas lui demander d'aller plus vite que les violons. Un vin, ça est comme quelqu'un qui se souvient, ça refait en hiver toute la saison d'été. Ah, ce point-là? Bien sûr. Oh, c'est manière de dire, forcément. Mais rappelez-vous, le printemps dernier, il avait eu une peine du diable à sortir. Avec cet hiver qu'on avait eu, la vigne partait avec 2-3 semaines de retard. Oh, alors, un moment qu'il y a eu, on se demandait si elle n'avait pas changé d'idée. Les bourgeons éclataient de tous les côtés que la vigne, elle s'amodait à peine à pleurer. Et encore à toutes petites larmes, qu'on aurait dit la collecte des incurables, tant ça avait de peine à tomber. Elle se pleurait les larmes, pour dire. Après, va bien, il y a eu ce gros été, vous vous souvenez? Bah, il est du raisin comme des enfants, si vous voulez. Ça pousse, ça prend des jours, ça forcit et tout. Mais l'essiant ne vient que plus tard. Ça commence 5-6 semaines avant les vendanges. C'est à ce moment qu'on peut dire que le vin prend du caractère, qu'il se forme. Mais comme quand les gosses sont communiés. Tout juste. Seulement, il ne faut pas se tromper. Au moment où on le vendange, il est loin d'être fait. C'est pour ça qu'une fois en vase, il doit commencer à se repenser d'un bout à l'autre. Ça se voit quand on le boit, il y a 5 ou 6 semaines, ce nouveau, ça a été bourru, gringe, même un peu insultant pour la langue. C'est qu'il était en train de racheter le printemps, ce départ difficile qu'il avait eu. Ben maintenant, c'est fait, il est en été, il se fait gentiment, il a pris un goût plaisant et tout. Mais c'est un peu comme ces jeunesses qu'on voit avec les 15 ans. Quand on les regarde, on se croirait que c'est des femmes. C'est bien planté, formé et tout, mais quand on leur cause, on voit bien que c'est encore que des gamines. Vin, c'est bon, c'est flatteur, mais ça n'a encore pas la jugeote. Mais ça vient, caviste, par la première golée, bien sûr. Et maintenant qu'on peut le boire posément, sans faire attention à la soif, il a de ces coups d'œil où on voit qu'il sait déjà ce qu'il se veut, hein? Oui. Il a de l'essien, on ne dit pas non, mais il promet encore plus qu'il ne donne. Ma foi, moi, je ne vais pas dans ces détails. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est que le vin, voyez-vous. C'est ce qui le distingue des autres produits. Une pomme de terre, c'est une pomme de terre, quoi. On la goûte et on sait où elle va. C'est franc de goût, mais sans lendemain. Tandis que le raisin, et le vin, par conséquent, il faut voisiner des années avec pour le comprendre à fond. Et encore, à fond. Et encore, bien dit. En tout cas, les promesses de celui-ci sont bonnes. Fameuses. Et honnête, parce qu'il en dit déjà assez pour qu'on sache qui va tenir. Santé. Santé. Santé, messieurs. Ah. Mais ça n'empêche, j'en reviens à cette dame sans gêne. Mais c'est tellement rare qu'on ait l'occasion de se frotter à des gens urf, alors ça fait effet, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche qu'il y a une chose qu'on devrait remettre en vigueur. Enfin, je ne sais pas, moi, une sorte de décorum, une étiquette, quoi, parce que vous me direz tout ce que vous voudrez, mais c'est la bonne façon, et puis ça vous oblige les gens à être polis. Ouais, trop polis pour être honnête, justement. Ah, ça, vous savez, il n'y a rien à risquer. Voilà. Et tu en ferais quoi de ton étiquette? Tu voudrais que ta femme te fasse une révérence chaque fois qu'elle a une observation à te faire, ou quoi? Ah, je n'irai pas jusque-là, non, parce que ma foi, ça lui ferait, ma foi, vite des douleurs. Mais je pense surtout aux autorités. Voilà le syndic qui voudrait qu'on y donne un sabre. Eh ben, sabre ou pas sabre, enfin, quelque chose, parfaitement. Le diable, du décorum, on en met partout après tout. À la maison, il y a les manies à la mama qui font règle. Au guillon, c'est nos manies à nous. Ici, on passe le verre de droite à gauche, ailleurs, on le passe de gauche à droite, et malotru qui ne s'éplie pas. Alors, dès qu'il s'agit des autorités, nom de sort, il n'y a plus de manières qui tiennent. Le premier gars venu me vient contre, me demande quelque chose, et pour peu qu'il ne soit pas d'accord. Et ça arrive souvent. Hardy, le voilà qui se déverse sur moi comme si j'étais Guillaume Tell, le général et le président de la Confédération, et que toutes les lois, c'est moi qui les ai faites, et encore exprès pour l'embêter. Mais ça n'est pas juste, après tout. Et tu crois que si tu avais un joli habit, ça changerait? J'en suis bel et bien certain. Regardez les gendarmes. En civil, beau. On n'a pas plus d'autorité qu'un garde champêtre. Mais dès qu'ils sont en épaulette, pauvre ami, il faut se retenir pour ne pas les respecter avec exagération. On va soumettre ton idée au conseil communal, pardine. Comment te vois-tu? Un bicorne, des bas blancs et une redingue verte? Et quand ça serait? Seulement s'agira d'aller un pays vite. Parce que si tu veux qu'on puisse te faire cette petite quête qui va avec le chapeau, c'est le dernier moment de prendre un arrangement avec ce qui te reste de cheveux. Et il est de fait que les bonnes manières n'ont jamais gêné personne. Pardon, non. Est-ce que tu te rappelles le grand Francis? Le gauche qu'on y disait. Celui qui faisait le boucher? Oui. À son compte? Bien, justement. Il avait commencé par être boucher établi en ville. Oh, connaissait bien son affaire. Et puis poli, avenant et tout, hein. Oh, ce qui portait beau, la tête droite, la marche bien posée, le rire franc. Même dans ces derniers temps qu'il s'était laissé venir à presque rien, ça est resté un monsieur. Respect. Ah, parce qu'il avait fait de mauvaises affaires. Ouais. Oh, c'était pas tant le travail qui lui faisait peur, non. Ça aurait plutôt été la fatigue. Ouais, il ne la supportait pas. Alors il s'était mis au régime assis. Ce qui fait que la boucherie n'allait plus, n'est-ce pas? Il avait repris un café, histoire de niveler ce qui lui restait. Et quand tout a été bu, ben, il a bien dû se mettre à se louer, puis à faire boucherie pour les autres. Mais c'est justement là que ça lui a servi d'avoir des manières. D'habitude, vous s'en connaissez, n'est-ce pas, hein, qui est comme ça tombé. Les autres ne lui font pas de misère, non, mais enfin, ça n'est plus comme avant. Tandis que lui, plus il était pauvre, plus il se cramponnait à l'extérieur. Et diable, il savait s'y prendre, le gaillard. Par exemple, il arrivait chez vous juste au moment du dîner, hein, histoire de demander un renseignement, de prendre date, ou Dieu sait. Et bien sûr qu'il avait choisi son heure. Seulement, il s'y prenait de telle manière que, ma foi, on avait presque l'air d'être obligé, n'est-ce pas, d'être s'en obligé, oui. Alors quand il faisait... Vous prendrez bien un morceau avec nous. Mon Dieu, qui répondait, je n'étais pas venu pour ça. Mais enfin, si ça peut vous faire plaisir, j'accepterai. Ah, ouais. Ce qui fait que nous, on se trouvait bien honorés qu'il ait accepté notre invitation. Et c'est tout juste si on n'allait pas manger à la chambre avec une nappe, comme pour un baptême ou une visite de la ville. Ce qu'avec ça, c'était un malin. Quand il venait faire boucherie, il avait toujours une hôte. Et puis ses couteaux... Il les plantait dans une sorte de trousse qui se tenait au fond de sa hotte. C'était pratique, ça avait bonne façon. Et puis ça avait l'avantage que sous la trousse, il restait un vide. Alors comme il y a toujours dans la journée un moment où on a le dos tourné, mon gotch t'attrape un morceau de filet, ou une saucisse, ou les deux, et te faisait ça disparaître sous sa trousse, au fond de sa hotte, et ni vu ni connu. Que même si on s'était méfié, on n'aurait jamais osé lui faire l'affront d'y aller regarder. Du reste, on ne se méfiait pas. Il avait tant bonne façon, cet homme. Justement. Ça fait qu'un jour, il était à faire boucherie chez les Quiquins. Le soir, tout était prêt. Il pousse ses couteaux, les remet dans sa hotte. La hotte sur le dos et... Au revoir tout le monde. Et mon Dieu, lui fait la femme au quiquin, moi qui ne vous ai même pas donné un bout de la moindre des choses pour votre dîner de demain. Si c'est pas des manières, attendez un moment, je vous donne un bout de saucisse. Alors l'autre lui a répondu, « Oh, vous savez, madame, moi je n'y aurais pas même pensé. » Et même qu'il a rajouté, « Seulement, madame, il vous faudra me faire un paquet que je le tienne à la main, parce que dans ma hotte, il n'y a pas de place avec tout ce fourniment. » Avec un air régent que vous y auriez donné votre femme en pension, tant il était innocent. Et c'est ce que je vous disais, les bonnes manières, ça vient des avantages. Un qui aurait eu l'air d'une arsouille, ça n'aurait pas tant duré qu'on trouve le truc. Tandis que lui, il a fallu des années. Ah, parce que ça s'est su tout de même. Puisqu'on vous le raconte, Bardine, il a fallu qu'un soir, il se laisse entraîner dans une tournée de câbles. Ça fait qu'à une où les escaliers étaient glissants, rapport au verglas, les gens qui étaient en bas ont vu arriver d'abord des couteaux, puis un bon kilo de fil d'air bien enveloppé dans un linge. Et enfin, en troisième lieu, le gotch qui roulait avec sa ouate et qui faisait son entrée par petit paquet, la tête la première. Ah, je veux bien que ce soir-là, manière ou pas manière, il ne portait plus tambour. Mais un moment de vergogne est vite passé. Bien dit. Ouh là là, dis donc. Allez, regardez là. Nom de sort. On serait aussi barjac que l'année passée, que ça ne m'étonnera encore pas. Ouais. Mais on n'est pas les seuls. Oh non, chez moi par la cuisine, c'est toujours la même résonance, autant qu'à peu près. C'est pour te consoler, Zadie, que ça prouve que ta femme a reçu de l'éducation. Regarde au théâtre, l'impératrice. C'est bien comme tu disais, elle n'a pas osé se montrer. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de crier quelque chose de derrière les décors, ça la démangeait. C'est vrai ça, j'y avais même pas pensé. Ce qui fait qu'en cas de coup d'état... On saura où s'adresser pour se trouver une impératrice de sort. Eh, mon Dieu, n'allez pas le lui dire, hein. Elle serait capable de s'exercer à la maison. Et enfin, motus et bonjour à tout le monde. Bonsoir, syndic. Bonsoir, régent. Bonsoir, messieurs. Et dans 15 jours, à la même heure. Thank you. Pour une fine lame, c'est une fine lame. Mais dites-moi, vous autres, je vous trouve un peu partiaux. Ah ouais? Et pourquoi? Mais à cette assemblée, il n'y avait pas que des vaudois ou quoi? Mais non, puisqu'on vous dit que c'était la fédération romande. C'est bien ce que je pensais. Seulement, vous m'avez raconté une histoire sur le Val de Neuchâtel, une sur le Valaisan, c'est parfait. Mais qui s'est pas dit des histoires sur le vin vaudois? Pardine, bien sûr qu'il s'en est dit. Et des bonnes aussi. Alors pourquoi ne les racontez-vous pas, hein? Croyez qu'on se gêne? Oh là là là là là là! On n'en est pourtant pas là. Syndic, raconte voir celle de ce marchand de Sion. Laquelle? Mais tu te rappelles? On venait de leur dire que ces vins valaisans, ces John Anisberg et tout, ils font tellement leur pardon que même les bouteilles se montent le cou. Ah oui, oui, oui. Alors écoutez-moi, un de Sion là qui était là nous fait dans la langue de Vaudois. On a aussi vous reboucher une fois. Connaissez-vous l'histoire de ces deux Vaudois qui se traînaient par Paris? Laquelle qu'on y fait? Eh bien voilà qui nous dit. Ils étaient deux de Parpuyi qui avaient été à une de ces expositions comme ils en avaient à Paris. C'était ma foi bien joli, mais nos vaudois dépérissaient. Les premiers jours, ces Bourgognes, ces Bordeaux et tout, ça leur avait flatté le palais, mais... Et voilà qu'ils prennent un de ces ennuis après le vin vaudois. C'est ou bien, que faire. Ou bien je trouve trois dessus de Boverat, ou je rentre par le prochain train. Du Boverat qui fait l'autre. C'est quand même bien difficile. Moi, je me contenterai de la moindre goutte de par chez nous. Même qu'à la rigueur, un aigle ou un désallet, oh, je ferai pas tant de gourmand. Va pour. Et les voilà qui se lancent à travers Paris, de café en café. Avez-vous du vin vaudois? Non, messieurs. Une fois, cinq fois, dix fois, vernis, que pas plus de vin vaudois que de missionnaires protestants par Châtel-Saint-Denis. Rien. Dis voir que faire. Mais t'as vu qu'on se trompe. On est là qu'on cherche dans les petits cafés, on y perd son latin. Allons voir dans un de ces tout grands, avec des tables de marbre et de la sciure par terre. Très bien, Régent, ces grands cafés où on nous servait le café noir dans des sortes de samovars, et où le garçon s'enchevait le pouce s'il n'était pas trop chaud. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, ils entrent un peu intimidés, surtout que de café en café, à force de recherche, ils étaient bien un peu ballottants, n'est-ce pas? Ça c'est, et puis voilà le garçon. Garçon, messieurs. Avez-vous du vin vaudois? Du vin vaudois, mais naturellement que nous en avons, pas ses dents. Et voilà mes deux assoiffés qui se regardent, mais qui se regardent, que le garçon a eu peur qu'il fonde en larmes. Avec eux, pour ramener la conversation, il leur dit, duquel voulez-vous? Ma foi que c'est un, apportez la carte. Oh non, que répond le garçon, ils ne sont pas sur la carte. Sur la carte, il n'y a que les vins courants, les ordinaires, autant dire. Et voilà mes deux qui bombent le torse à casser tous les boutons de leur plastron. C'est à moi, garçon. Du Boverat. En avez-vous? Du Boverat. Mais oui, de tout premier ordre encore. Alors, apportez-moi un demi. Et puis, mettez-en un second au frais. Bien, messieurs. Et le garçon s'en va. Il faut vous dire, les gens, qu'ils étaient tombés sur un garçon de café de par chez nous, qui les avait tout de suite reconnus à l'accent. Ah, bon, je comprends mieux, je me disais aussi. Savez que mon garçon va à la cuisine, ou Dieu sait, hein? Il dit à la patronne, mettez-moi dans cette bouteille de l'eau, un rien d'alcool, bon goût, une pincée de sel, du poivre, un clou de girofle, de la moutarde de Dijon et un peu de teinture d'iode. C'est la teinture d'iode que fait la patronne. Oui, pour colorer. C'est un coquetail pour des Américains. Pas bien. À Paris, ils envoient de toutes les couleurs. Il y a belle lurette que rien ne les étonne plus. Le garçon te brasse sa mixtion, ça met dans une bouteille et t'apporte ça à nos deux voyageurs. Santé. Santé. Alors, s'en est-il ou s'en est-il pas? S'en est. Et du tout crâne, je te garantis. Santé. Ça fait qu'au bout d'un moment, après te s'être essuyé la moustache et tout, il y en a un qui fait... Il est même si bon que tu ne m'enlèveras pas de l'idée que nous, les Vaudois, on est trop généreux. Ça nous fait tort. Ah oui? Et à cause de quoi? Est-ce juste, oui ou non, que dès qu'on a une fine goutte comme celle-là, on l'exporte et qu'on garde pour nous le deuxième choix? Ah, ça, c'est bien une histoire de malaise. Hein. C'est quand même bien vrai que la jalousie peut nous mener un homme au pire des raisonnements. Du reste, ces Valaisans, ils ont une excuse à ne pas connaître les vins Vaudois. Oh, pas oh, une excuse, ça vite dit. Écoutez-moi ce qu'avait c'est que ça pas toi de canard. Faut pas toujours nous faire croire que tu es meilleur que les autres. Je dis qu'ils ont une excuse et je n'en démords pas. Laquelle? Ben, c'est qu'ils n'en boivent jamais. Allez, ils ont bien trop peur d'en boire. Ça les découragerait. Croyez-vous? Croyez-vous? Croyez-vous? Bien sûr, je le crois. Ils prennent un goût comme tout le monde. Et à tel point que tu les verrais arracher leurs vignes et y planter des abricots, que je vous dis. Mais vous, est-ce que vous en buvez beaucoup de Valaisans? Oh, vous, on en a eu bu quand on était jeunes. Au service, par exemple. On ne faisait pas tant les difficiles. Ah, oui, puis nous arrive encore bien de temps en temps d'en boire sans que ça soit écrit sur l'étiquette. Voilà, oui. C'est sournois, ce vin Valaisan. Ça ne recule devant aucun moyen. En tout cas, moi, je me rappellerai toujours de cette visite des Valaisans aux désallées de la ville de Lausanne. Ah, comment ça? Oh, c'était 3-4 ans avant la guerre. Un beau jour, les vignerons de la ville reçoivent une demande d'une société valaisanne. Ils voulaient venir voir le désallée. D'accord, sans rancune que ce sont les vignerons. Ça fait qu'ils mettent les petits plats dans les grands, t'arrangent les tables, les bancs sur la petite terrasse. C'était un dimanche matin, il y a 11h, avec un joli soleil de juillet, et un lac d'un propre et d'un brillant, que si le syndic s'y était miré, il aurait presque pu croire qu'il était joli garçon. Bref, vers 11h, voilà l'autocar qui arrive, les visiteurs en sortent, ils montent le raidillon. Oh, ça faisait bien une drôle de musique. Même aux dégustations d'avant les mises où il se glisse rien de suite sur du chante les silences, on n'avait jamais entendu passer des allées un tel ronflement d'accent étranger. Ça détonnait un peu. Voyez les escargots qui dressaient la tête à venir à pinquer, les lézards qui disparaissaient dans les fentes, et les vignerons ont eu une rude peine à calmer le chien qui aboyait à la mort. Que bref, ils s'asseyent, puis que tout allait le mieux du monde. Mais où ça s'est gâté, non de sort? C'est quand on a eu vu ces gaillards qu'une fois assis, se met un tonnelet sur la table et hardi, en plein des allées, face au lac, un charmu de chaque côté, les voilà qui te boivent du valaisan qu'ils avaient apporté avec eux. Pas possible. Ouais. Aussi vrai qu'on est là, et que ça fait assez de bruit, allez, hein. Ah, alors là, ils allaient un peu fort. Oui, comme quand nos femmes vont prendre le thé chez la femme au ministre, avec le comité de couture. Une apporte le sucre, l'autre les bricelets, la troisième coupon. Oui, mais justement, ce qui peut se faire pour du thé, ça ne va pas avec du vin, quand même. Et alors, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que les vignerons du désallée sont devenus jaunes comme des coins, qu'ils sont tous les deux allés se cacher, plus moyen de remettre la main dessus. Et qu'on les comprend. Pardine, ça fait que quand ces drôles de visites ont voulu partir, ils ont cherché rien. Un est allé à la cuisine, il a trouvé une des patronnes. Où est le patron qu'on le remercie? Oh, faut pas y en vouloir, que répond la patronne. Mon homme est délicat, comme tout, des papilles et des branches. Dès qu'il se sent la moindre odeur de bisulfite, ça y est, il est bon pour le rhume des foins. Ce qui fait que voilà un bon quart d'heure qu'il ne peut plus se ravoir d'éternuer. Je l'ai mis au lit. Ça, c'était répondu. Respect. Ça fait que les gaillards sont repartis, un peu motsés, vous comprenez? Il n'y avait pas mis de mal, eux. S'ils avaient tellement l'idée que le désallée n'est pas une chose à voir, ils n'y avaient même pas pensé. Ah, ça n'empêcherait les femmes s'arrêter de rue de service dans ces moments comme ça. Nous, les hommes, on est désarmés. On ne trouve rien de mieux que d'aller cuver notre rage dans un coin. Oh, dès qu'il s'agit d'affaires de bec, mes amis, on n'a pas besoin de leur faire signe avec un vin. Oh, ça me fait penser, dis donc. Il y a la mienne qui m'a rebouché l'autre jour, que j'ai failli risquer lâcher mon seillon. Tiens, racontez-nous ça. Oh, alors ne prenez pas votre air innocent. Que la femme au syndic le rebouche, ce serait pas pour la première fois. Ben justement, Mais pour que ça lui ait fait un effet pareil, ça doit être de la cuvée réservée. Ça déjà plutôt, ouais. Alors. Eh bien, ça s'est passé comme ça. J'étais en train de faire boire un veau. Et naturellement que cette poète bête, elle faisait comme ils font toujours. Elle t'aurait mis dans le saillon, la queue, les quatre pieds, n'importe. Mais quand à y mettre le museau, bernique. C'était là que j'escrimais, rien de fait. Comme si j'avais demandé à ma femme de se mettre en dimanche pour porter au cochon. Et voilà juste ma femme qui passe. Qu'est-ce que tu as qu'elle me fait? Ne serait-il que vous vous amuseriez à la courante avec ce veau ou quoi? Tu as l'air tout essoufflé. Quoi que j'ai fait? Il n'y a que lui qui s'amuse. Grosse de bête. Pas moyen d'y faire boire la moindre goutte. Comment? Il ne veut pas boire? Mais non que je dis. Il ferait mieux de venir me tenir ce saillant plutôt que de faire la critique. Que non qu'elle me répond partant. Si ton veau ne veut pas entendre parler de boire, il y a bien un moyen. Tâche voir de le faire nommer à la municipalité. Tu ne pourras plus y retirer le museau du saillon. Oh, quel poison, hein? Et que ça voit courir le vent. Tu vois, ça dit que nous qu'on croyait que ça ne se remarquait pas, hein? C'est dommage que tu n'aies pas des revenants dans la maison, ça dit que tu pourrais leur répondre comme le veut Tatio. Vieux Tatio? Hein? Grand-père à la femme au gilet qui restait dans cette petite capite derrière le cimetière. Tu en as entendu parler ou quoi? Vaguement. Moi, c'est mon père qui m'en a eu causé. C'était une espèce d'original qui avait tout eu fait dans sa vie, sauf de se fatiguer. Ça non, pour ça, il n'était pas porté. Mais ça se comprenait encore assez, parce qu'il avait trouvé moyen de s'accoupler d'une femme. Mais alors? D'une de ces sorcières en graillant, que s'il avait regardé à jeun, ça y aurait fait peur. C'est peut-être à cause de ça qu'une nuit, il se met à rêver qu'il y avait des revenants dans sa maison. Ouais, où ça, des revenants? Comme je vous dis, des galapés en chemise qui traînaient des chaînes à travers la cuisine. Un sabbat de l'ancien temps, quoi. Et tout à coup, les revenants partent pour laisser la place à un grand rougeau, maigre comme un sang de clou, qui crachait le feu par les narines. Oh. Ça fait comment, Tatio, il fait? Et là, qui êtes-vous? Moi qui réponds, l'autre, avec une voix caverneuse. Je suis le diable. Le diable, allez, allez, faites pas le malaise, ça ne prend pas. Je vous dis que je suis le diable, que reprend l'autre d'une voix féroce. Bon, qui dit le Tatio. Ne vous fâchez pas comme ça. On peut se tromper. Surtout que c'est pas ma faute. Voilà bientôt 20 ans que je vis avec ma femme. Elle m'avait jamais dit qu'elle avait un frère. Comme ça, je vois que nous n'avons pas changé grand-chose au train du monde. Et que les vieux comme nous ne détestaient pas dire un brin de mal de leur femme. Ah oui, et sûrement que comme aujourd'hui, les Valaisans disaient des crouilleries sur les Vaudois, que les Vaudois le rendaient. Ce qui n'empêche pas les jeunes de prendre femme. Ferdinand, que Vaudois, Valaisans, Neuchâtelois, Genevois, où Dieu sait, on reste les meilleurs amis du monde. Ben, les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Alors, ça vaut toujours mieux de dire du mal que d'en penser, ou quoi? Surtout qu'au fond... Ces histoires sont souvent très tendancieuses. Mais naturellement. Mais plus qu'on ne le croit. Tenez, vous disiez l'autre jour que les Vaudois avaient sûrement fait les guerres de Bourgogne à la cave. Eh, serais-je, hein? Vous garantissez qu'elle était remuée dans ses livres pour nous prouver le contraire? Ah, pas du tout. Mais je suis tombé par hasard sur une histoire de guerre faite à la cave. Allez-y. Oui. Seulement, ce n'était pas les Vaudois qui la faisaient. C'était les Uriquois. Pas possible. Oui. Faut-il qu'ils aient changé depuis? Il est vrai que ce n'était pas d'hier. Figurez-vous que les Uriquois assiégeaient la ville de Rapperswil il y a quelques siècles, donc. Impossible de prendre cette ville d'assaut. Les murs étaient défendus par des gaillards résolus qui ne se relâchaient jamais. Ce qui fait que mes Uriquois imaginent de creuser de nuit un trou sous les murailles et de s'en servir pour pénétrer dans la ville. Et tout va bien pour commencer. Ils creusent une nuit, deux nuits, et la troisième, les voici... qui pénètre. Seulement, c'est là que ça se corse. Pénétrant par-dessous terre, ils arrivent en plein dans la cave d'un gros bourgeois de la ville. Eh bien là, ils auraient été de père Vaudois et de mère Valaisanne qui ne se seraient pas conduits autrement. Les voilà qui mettent en place, qui prennent une rincette pour se remettre de leur émotion, puis trois verres... Puis trois fois trois... Exactement. Tant et si bien que pour finir, bataille il y a eu. Mais entre ceux qui buvaient et ceux qui poussant par derrière voulaient aussi leur part de la fête. Bataille qui a fait un tel vacarme que les gens de Rapperswil l'ont entendu, ont compris et n'ont eu qu'à venir sur place empoigner ses assaillants complètement tirés. Alors ça c'est de la bonne stratégie où je n'y connais rien. Et comment ça t'est fini? Comme toutes les parties de cas, par un lendemain un peu pâteux, par une vergogne telle que les Uriquois n'ont pas demandé leur reste et enlevé le siège. Qui n'empêche pas qu'aujourd'hui, Rapperschwil est bel et bien en Suisse, comme Zurich, ni plus ni moins. Ce qui fait que tout bien compté, ils ont eu une raison de passer une jolie soirée au Guillon, plutôt que de s'échiner pour une aventure qui n'aurait quand même servi à rien. D'autant qu'avec les villes, on n'est jamais tranquille. On te croit avoir pris une ville à la toute, il y a toujours un rusé qui vous la guette sournoisement et te vous la reprend au moment où on s'apprêtait à pavoiser. Tandis qu'avec les verres au Guillon, ce qui est fauché est bon, puis on n'en cause plus. À part ça, votre histoire ne prouve rien du tout. On vous disait l'autre jour que si les Vaudois avaient eu un rien d'acqué, ils auraient conquis la moitié de la Suisse romande. Ça prouve qu'on était modeste. Zurich était mûr pour capituler. À ce que vous dites, ils avaient toutes les dispositions pour faire des Vaudois de sort. Tandis que maintenant, on les a laissés se mettre à la bière et la choucroute. Ah, et c'est une occasion qu'on ne retrouvera pas. Un point tard pire, hein? On ne va pas se remuer les cinq pour des regrets tardifs. D'autant plus que tant qu'on a le comptoir, on ne sait jamais. On peut encore s'attendre à des revirements. Oui. D'accord. Alors, ça indique, pour nous changer les idées, si tu nous en chantais une. Ben, écoutez, mes amis, aujourd'hui, je ne suis pas tant en voix. Ah. Et puis, la patronne a justement acheté un nouveau disque. Hein? Vous allez voir ça. Dis-toi, patronne, mettez-nous voir ce disque. Bien, messieurs. Il va de mieux en mieux. Mais t'as vu que dans son état actuel, il descend presque aussi bien qu'un Rapperschwil des meilleures années. Ouais, il t'était pas rassuré, ça va de là-bas. Est-ce que c'est le docteur qui vient de passer là avec son auto, quoi? Ah, bien que oui. Mais t'en es pour qui? C'est chez Isaline. Oh, elle est tout le temps malade, cette Isaline. Oh, pou, elle me plaindre, surtout. Si une fois tout allait bien, elle déménagerait. Ça malgré des distractions. Mais c'est elle qui tenait le magasin autrefois. Ouais, jusqu'à il y a 10-12 ans, peut-être un peu plus. Oh, ce n'est pas qu'elle eut besoin de gagner sa vie, c'était plutôt l'affaire d'avoir de la conversation. Ça n'empêche qu'elle savait encore s'y prendre pour ne pas y perdre, je vous garantis. Je me rappelle quand il y avait eu cette histoire dans le canton de ce marchand qui avait mis du gypse dans la farine pour les cochons. Cochons, pas possible. Oui, c'est-à-dire qu'il en mettait tellement que ses pauvres caillons se maçonnaient à mesure. Ça avait fait un certain bruit, quoi. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous causer. Ce que je me rappelle, c'est que j'en causais un jour avec Lisaline dans un magasin. Il fait, je sais pas moi, que c'était dégoûtant de faire des choses ainsi. Alors elle me dit, avec son air sucré, « Pensez, il a exagéré. » Jusqu'à 30% de gypse qu'il mettait, c'était trop. S'il s'était contenté d'en mettre 5-10% comme les autres font. Comme les autres font est en effet assez savoureux. C'est souvent comme ça. On se croit qu'il s'agit de quelque chose de très grave, et puis ça n'est pour finir qu'une erreur de pesée. Tout ça, c'est bien relatif. Seulement, ça n'est pas chez Lisaline qui va le docteur. Ça serait pas plutôt du côté du vallon. Ah, dans ce cas, ce sera la grande Justine qui aura des aigreurs, hein? C'est un de ces cas où elle pourrait se soigner avec une petite cuillère. Ah, en la vallon? Ah, tout à fait, non. Comment, vous ne connaissez pas le remède? Ah, ma foi, non. C'est pourtant souverain. Je tiens de ma mère qui prétend qu'on a eu soigner sa soeur comme ça, ouais. Elle était allée chez le docteur Harville pour consulter. Alors, madame, de quoi vous plaignez-vous? De bon homme qu'elle fait. Non, je veux dire, où avez-vous mal? Mais je n'ai pas mal que je vous dis. Je viens rapport à mon homme qui devient méchant. Pas possible. Là, oui. Oh, c'est pas ma faute d'avoir été averti. Déjà, quand je me suis marié, ma fille m'a dit, tu as eu tort de te lancer avec cet ergal. Tu souffriras, ma pauvre petite, tu souffriras. Et patate, patata, que le docteur a tout eu fait de voir à qui il avait affaire. Une serpe à double tranchant, enfin, c'est... Alors qu'elle campue à la maison, ça n'est plus tenable. Il y a des scènes tant que le jour est long, et même une partie de la nuit. Ce qui fait que je me suis dit, me demande si un bon docteur ne trouverait pas une potion pour te rendre cet homme moins méchant. Tendez bien qui fait le docteur. C'est comme qui dirait une de mes spécialités. Oh, que vous me faites plaisir, monsieur le docteur. Alors, cette potion, eh bien, ma bonne dame, elle ne sera pas coûteuse. Voilà une petite bouteille. Je vous la vends un franc. Et au moment que vous sentez que votre homme devient méchant et que ça va donner une scène de ménage, vous remplissez rasibus une cuillère à café de cette potion, vous prenez délicatement cette cuillère et vous vous la mettez dans la bouche. Dans ma bouche, à moi qu'elle fait. Ce n'est pas moi qui suis malade pourtant. Non, ce n'est pas vous qui faites le médecin, mais c'est un remède comme ça. Ce qui fait que vous vous mettez ça dans la bouche, mais alors... Il faut vous faire bien attention de ne pas boire et que pas une goutte ne sorte de la cuillère. Voyez, vous faites comme ça. Vous mettez la cuillère et vous la tenez avec les dents bien serrées, sans bouger. Et surtout, n'allez pas causer, parce qu'alors tout se renverse et ça fait l'effet contraire. Et ça a réussi. Et ça a réussi. Un mois plus tard, l'attente se ramène vers le docteur pour lui demander une bouteille. Ah, si vous saviez ce qu'il est devenu gentil. Depuis que j'emploie ce remède, jamais on n'entend plus un mot de travers dans la maison. Ça fait que nous revoilà sur le chapitre des femmes. Pardine, moi je ne connais pas de pire race que ces gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Alors ça, c'est comme ces gaillards qui s'amènent tout frais lavés de la capitale, qui n'ont jamais eu tenu de leur vie la marge d'un fossoir. Dites voir, mon brave, qu'ils vous disent. Est-ce que vous n'auriez pas avantage de labourer vos vignes aux motoculteurs? J'ai lu quelque part que cela se fait beaucoup en Amérique et que les résultats sont surprenants. Pardine, en cause des femmes, parce qu'on s'en connaît. On n'a pas le moindre remords, parce qu'on sait bien que quand elles sont ensemble, elles ne se font rien tant faute de se donner leurs impressions. Surtout que c'est un sujet irrésistible. Les femmes, voyez-vous, c'est la moitié de notre vie. On serait des ingrats si on ne les mettait pas de moitié dans nos conversations. D'autant que, comme vous dites, les gens, on a beau se retenir, on finit toujours par y revenir. Mais, il y a le ministre qui me racontait l'autre jour à une séance de la commission d'assistance un bien joli mot de sa petite bonne. Celle qu'il a flanquée à la porte. Oui, qu'il a eu bien raison. C'était plus tenable avec cette gamine par le village. Tous les jeunes t'y traçaient après que ça faisait, ma foi, trop de mouvements autour de la cure à la tombée de la nuit. Ça aurait vite eu mauvaise façon. Ce qui fait que monsieur le pasteur, avant d'en venir aux grands moyens, se dit, faudrait quand même que j'essaye de la raisonner. Peut-être qu'en la prenant par ses bons sentiments, j'arriverai à lui faire comprendre que sa conduite n'est pas admissible et lui porte préjudice. Ça fait qu'il a fait venir un soir dans son bureau. Allons, Gretli, qu'il lui fait, asseyez-vous un moment, nous avons à causer. Oui, monsieur, qu'elle y répond, tout intimidée. Alors, Gretli, vous avez fait votre instruction religieuse? Oui, monsieur. Vous avez eu des parents qui vous ont donné le bon exemple. Oui, monsieur. Comment se fait-il alors que vous profitez de ce que vos parents ne peuvent pas vous voir pour vous dévergonder de la sorte? Là-dessus, elle a la petite qui se met à pleurnicher. Pasteur se dit, c'est le moment d'attaquer de front. Voyez-vous, Gretli, qu'il y fait, même si vos parents ne vous voient pas, vos actes ne passent pas inaperçus. Il y a quelqu'un qui les voit. Quelqu'un à qui rien ne reste caché, qui sait tout, qui voit tout, et devant qui je suis moi-même qu'un infime grain de poussière. savez de qui je parle, Gretli. Oh, fui, qu'elle irait pas entre deux hoquets. Okay. Vous parlez de ma femme. Ça embrouille de caviste. Du diable, où va-t-il les chercher, ces mensonges qu'il peut raconter? Oui, mais le fond de l'affaire est quand même vrai. Les femmes ont fini toujours par les retrouver au moment où on s'y attendait le moins. Vous souvenez-vous de ce coquin de Boîte, et puis des poires aux guttes? Non. Le Boîte, tu l'as eu connu ou quoi? J'ai connu le Boîte. Une sorte d'original qui ne travaillait que de nuit. Le jour, il ne se serait pas baissé pour ramasser une pièce d'un franc, mais alors de nuit, il aurait marché 5 heures avec un sac de 60 kilos sur le dos, pourvu que ce soit le produit d'un vol sur le bien d'autrui. Naturellement, puisque c'était un original, tout lui était permis. Ça m'a toujours frappé au village, ce trait de caractère. Il n'y a qu'à se faire classer comme original et on est hors la loi. Et il y en a au moins un par village. C'est juste ou quoi? Hors la loi, c'est eux qui s'y mettent. On a des gaillards qui ont renoncé une fois pour toutes à se mettre des sous de côté, à se changer le dimanche, et à se laver les pieds le samedi, bref quoi. Qui ne veulent pas avoir les avantages qu'on a. Ça n'est que juste que nous, on ne les embête pas avec nos lois, et puis tout le tremblement. C'est juste. Et puis chacun ses goûts. Dans les villes, ils se tiennent des musées où ils mettent des vieilles peintures et des mammouths. Ben, nous, au village, on a plaisir à voir de temps en temps un homme qui fait ce qu'il entend. Alors, hein, qui veut la fin, veut les moyens. On est bien obligé de leur mettre un peu la bride sur le cou. Avec ces cas fous, il n'y a qu'un moyen. C'est de raisonner comme eux. La Boîte, par exemple. On s'amusait toujours à y demander. As-tu bien dormi cette nuit? Moi qui faisais? Je peux pas me plaindre, je dors toujours mon sou. Mais ce qui me fait chagrin, c'est ces pauvres puces. Je vous garantis qu'elles ne ferment pas l'œil de la nuit. Voilà. On le supportait comme il supportait ses bestioles. Surtout qu'il y avait des fois des bien jolis mots. Un soir qu'il se rentrait, donc à peu près prêt, on le voyait qui zigzaguait le long de la route. Et tout à coup, un mouvement de côté. On se dévoila le Boîte dans l'horizon. Mais non, d'un mouvement, il se redresse. Il regarde cette eau qui coulait dans la rigole. Et il part en murmurant. Non, ma foi, avec le bon nouveau qu'on a bu ce soir, ça serait dommage de mélanger. Mais dites... L'histoire des poires au Gut, qu'est-ce que c'est? Ah oui, donc le Gut avait un poirier tout près de la maison que Boîte habitait. Comme c'était de belles poires curées, ce pauvre Gut n'arrivait jamais assez tôt pour les cueillir. 2 ans, 3 ans de suite, il a tout fait pour attraper le Boîte. Mais c'était qu'il était malin qu'un singe, cette route-là. Qui fait qu'un beau jour le Gut se pince? Après tout, moi, ces poires, je ne les vendrai quand même pas. Mais je serais bien aise d'en avoir un peu à ma cave quand même. Ça fait qu'il va vers le Boîte et puis il dit, écoute, on va faire un marché. Cet automne, on fait moitié-moitié. Je te cause rapport au poirier que j'ai droit derrière chez toi. On les cueille un jour par ensemble et puis on les partage. Comme ça, tout le monde sera content. Ça te va? Eh ben, si ça n'y allait pas au Boîte, c'est qu'il se faisait difficile. C'est pas ce qu'il a répondu. Non. Il a réfléchi un moment, s'est gratté la tête derrière sa carlette et il a fait... moi, je ne dis pas non, mais il faut quand même que j'en cause à ma femme. Ce qui fait que, voyez, le Boîte, il avait réussi à s'affranchir de bien des choses. Il fallait tout de même qu'il tienne compte de sa femme. Et puis nous aussi, pardine. Forcément. Comment ça dit que tu pars déjà? Je te dis que nous aussi, on doit tenir compte de la maman. Oh, diable, je n'avais pas regardé la pendule. Comme j'ai idée que le truc de la cuillère ne réussirait pas, toi avec la mienne, ce serait plus prudent de faire pour aller. Eh bien dit. Santé. Hein? Conservation. À votre bonne santé. Et dans 15 jours, à la même heure.